pense à tout ce qu'on m'a mis dans la tête au collège. Je m'étonne de pouvoir penser encore. Et bien que mon manque d'éducation m'a pas fait aucun tort. Je sais bien lire les affiches au drugstore. Colachrome nous donne ses belles couleurs, les rouges et les jaunes des fleurs, et vous fait voir le monde comme un jour été. Oh oui, j'ai acheté un Nikon, j'adore prendre des photos. Oh maman, n'enlève jamais les colachromes. Les filles que j'ai connues adolescents, qu'on les réunissait pour une nuit, elles seraient pas à la hauteur de mon imagination. Tout est pire encore en noir et blanc. Colachrome.